Sa ma voa l'explique Comme un loton kapap vin confirmé C'est histoire vous qui avec mal Écoutez-moi bien C'est histoire nek sot avec nek l'esprit Mal histoire pense vous qui l'avec bouki Bouki prend pense malice avec malice Oh, tout moun mele, ele lole, ele lola Malis avec vous qui mele tout moun Bon compère vous qui dit je suis, je t'ai Bon compère malis qui ne pas promasser Bon compère vous qui dit je suis, je t'ai Bon compère malis qui ne pas promasser Gade ou pa promase ou Chaudon nek sont avec nek l'esprit qui travaille. Pour qui dit 40 euros, 40 euros bas. Boy, vous filez. Boy, vous filez. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Thank you.